Quatrième partie. La nouvelle commença de circuler, après-midi, vague et indécise. La paix ! On vient de conclure la paix ! Mais ce bruit avait couru tant de fois, sans être suivi d'effet, que la vieille n'y crut pas. Cependant, vers le milieu de la soirée, tous furent convaincus de son exactitude. Le gouvernement annonçait un armistice sollicité par les ennemis. La revendeuse se trouva promptement enveloppée et entraînée par une avalanche humaine qui semblait rouler vers le centre de Paris. Comme tout le monde, la pauvre vieille éprouvait une joie frénétique et comme tout le monde, elle poussait des cris. Jusqu'à l'approche de la nuit, elle vécut une vie de rêve. Elle crut poursuivre les invraisemblables aventures d'un cauchemar. Mais ce cauchemar était agréable et ses délires ne lui inspiraient pas l'effroi, mais l'enthousiasme. Elle se vit place de la Concorde. La multitude, rugissant des chants patriotiques, faisait rouler les canons pris aux Allemands, canon qui était exposé sur la vaste place. Un groupe de lurons hissa la vieille sur un de ses canons, comme sur un char de triomphe, et traîna la pièce d'artillerie dans les rues voisines. Elle, avec ses cheveux blancs en désordre, levait les bras en chantant la Marseillaise. La foule la saluait de ses applaudissements. Personne ne savait qui elle était, mais son passage susciter le respect instinctif que la vieillesse inspire. Quelques-uns croyaient contempler l'ancienne gloire de la Révolution qui s'éveillait, triomphale après un siècle de léthargie. Tout à coup, elle se vit à pied et seule. Le canon avait disparu, ainsi que les jeunes gens qui s'y étaient attelés. Maintenant, ils étaient rue Royale, en face des restaurants les plus élégants. Les clients de Maxime, Jean Cossu, qui peuvent se permettre ce luxe, offraient des bouteilles de champagne à la multitude pour fêter l'événement. Sans savoir comment, la vieille se trouva en conversation avec un groupe de soldats américains. Elle adorait les Américains. Elle les reconnaissait uniquement à leur chapeau de feutre ayant quatre creux symétriques et terminé en pointe. De braves gars, sains et forts, et l'air bon enfant. Elle trouvait à quelques-uns une certaine ressemblance avec Albert. « Vive les États-Unis !» Elle se faisait comprendre de ses soldats au moyen de gestes et de toute une mimique plutôt que par des paroles. Mais peu importait. Quand il y a sympathie, et bonne volonté. Et eux, réjouis par la gaieté de la vieille, poussaient, comme de grands enfants, des éclats de rire qui marquaient sous la peau la forte ossature de leurs mâchoires et laissaient à découvert l'ivoire lumineux de dentures vraiment enviables. La vieille retroussa sa jupe pour fouiller dans une poche de toile qui pendait sur ses jupons et où elle gardait l'argent nécessaire à son commerce. Elle était en fonds. Elle pouvait inviter ses nouveaux amis. Les soldats protestèrent en riant. Se faire payer à boire par une femme ? Le seul d'entre eux qui parlait bien le français répliqua gravement. Mais nous sommes plus riches que vous. On nous paye en dollars. Elle regarda la poignée de billons qu'elle tenait dans sa main. Des sous, rien de plus. Mais qu'importe. Vous êtes chez moi. Je vous invite. Si vous dites non, vous allez me faire pleurer. Ils entrèrent dans un café et pendant une demi-heure, les robustes soldats aux chapeaux pointus burent en riant aux éclats des paroles et des gestes de l'allègre bonne vieille. Ensuite, elle but encore avec des étrangers qui portaient divers uniformes, et même avec des soldats français, qui, en dépit de la folie générale, avaient encore l'air sombre en hommes qui n'ont pas encore fini de s'éveiller d'un horrible cauchemar, prolongé pendant des années et des années. Quand vint la nuit, la pauvre vieille se sentit harassée. Il lui semblait que toute cette multitude avait marché sur elle. Elle croyait avoir reçu des millions de coups. L'instinct la poussa vers son quartier. Elle cheminait avec lenteur, traînant un peu les pieds. Mais, malgré la fatigue, elle unit sa voix aux clameurs de tous les groupes qu'elle rencontrait sur son passage. Le besoin de repos et l'habitude la conduisirent à la buvette. Elle y trouva Crinquebille, solitaire et silencieux, assis devant un verre vide dont il contemplait tristement le fond. « Je t'invite aussi, toi, » dit la vieille. « Aujourd'hui, c'est un grand jour. La paix, que dis-tu de la paix ?» Crinquebille haussa les épaules. Puis, s'animant à la vue du nouveau verre que lui offrait son ami, il daigna parler. « Peut-être que l'humanité va tâcher d'être meilleure après cette épreuve terrible. Peut-être qu'elle va se régénérer et apprendre à vivre avec un peu de logique. » Puis il sourit ironiquement comme son maître. Il se sentait envahi par l'éternel doute, et il continua. Bien que personne ne puisse affirmer si cette pauvre humanité vaut la peine d'être régénérée et mérite qu'on s'occupe de son avenir. Beaucoup plus tard, la vieille ressentit l'attrait d'un nouveau désir. Elle se rappela avec délice la salle obscure du cinéma et ses visites qu'elle considérait comme quelque chose de céleste. Le pauvre Albert ne devait pas connaître encore la grande nouvelle qui mettait en émoi Paris et le monde entier. Elle allait l'en informer. « Adieu, Crinquebille, mon petit-fils m'attend. Pour le pauvre, il n'y a pas de fête. Cette nuit, il travaillera, comme toujours. » Le philosophe ambulant, qui avait fini par admettre la vie illusoire de sa compagne, crut opportun de lui donner quelques conseils. « Tu es en train de te tuer, à peine si tu manges, et tu bois trop. Tu gaspilles ton argent, tu vas perdre ton capital. Hier, tu as dû acheter à crédit la moitié de tes marchandises. Et puis en une semaine, il semble que tu as vieilli de plusieurs années. » Mais après cette sage réprimande, il eut son éternel sourire de doute. « Enfin, si ça t'amuse, si tu y trouves ton bonheur. » La vieille se dirigea en hâte vers le cinéma, malgré ses jambes enflées qui refusaient presque de la soutenir. Là, du moins, dans l'agréable salle, elle se reposerait commodément. Les rues étaient obscures encore, comme dans les nuits de guerre, grosses de menaces aériennes. La foule formait des attroupements. On jouait de divers instruments. Des balles s'improvisaient au carrefour. Lorsqu'elle pénétra dans la cour du cinéma, l'employé qui gardait la porte vint joyeusement à sa rencontre. « Vive la paix, grand-mère !» Puis il ajouta, comme s'il se rappelait une chose de peu d'importance. « Ce soir, votre petit-fils ne travaille plus. C'est terminé. Tout est nouveau. Mais la représentation vaut la peine. » « Quoi ?» La vieille, d'une pâleur intense, les yeux démesurément ouverts, avait le dos appuyé au mur. L'employé donna des détails pour répondre à son cri d'anxiété. « Les 7 jours sont passés. Changement complet de programme. Le public en a assez de l'histoire de l'Alsacienne et de l'Allemand. Maintenant, avec la paix, il faudra donner autre chose. Plus rien de la guerre. Faut oublier, se divertir. « Entre. Nous avons ce matin un film américain désopilant. » La vieille vacilla sur ses jambes. Bien que ce fût dissipé instantanément, le doux émoi de sa placide ivresse. « Ne plus le voir. Ne plus le voir. gémissait-elle. Puis elle résuma son désespoir en ces mots. « Ils me l'ont tué, une seconde fois !» Le public qui allait entrer s'amassa autour de cette femme défaillante, prête à tomber. L'employé, par commisération et pour éviter les attroupements à l'entrée, essaya d'égayer la pauvre vieille. « Courage, grand-mère, vous n'allez pas mourir aujourd'hui, un jour de si grand bonheur, parce que nous avons changé de programme. Et puis... » Il demanda un journal à la femme qui était au guichet et se mit à le parcourir précipitamment en se dressant sur la pointe des pieds pour mieux recevoir la lumière d'une lampe suspendue au plafond. En même temps, il parlait entre ses dents. « Voyons, cette stupide histoire de l'Alsacienne, on doit la donner quelque part. Un mauvais film d'occasion, fait de pièces et de morceaux. Il se trouvera sûrement dans les cinémas de cinquième ordre. Tiens, en effet, le voilà !» Et s'adressant à la vieille, il lui donna le nom d'une rue et le titre d'un cinéma. « C'est un peu loin, grand-mère, à Grenelle, à l'autre bout de Paris. Mais en prenant le métro, là, vous trouverez votre petit-fils pendant une semaine. » Il ne pensa plus à elle, ayant à s'occuper du public qui entrait, sans interruption, attiré par le nouveau programme. La vieille se vit de nouveau dans la rue. Elle n'avait plus qu'une idée. « Ils me l'ont tuée !» pensait-elle. « En ce jour où tout le monde rit, ils me l'ont tuée pour la seconde fois !» Alors reparut son énergique volonté de lutteuse, humble et obscure. On l'avait tuée ici, mais il allait ressusciter ailleurs. Elle devait aller à sa rencontre. Elle chercha sous sa jupe la bourse de toile qui contenait ses capitaux. Sa main ne trouva que le vide. Après d'opiniâtres recherches, quelques sous parurent entre ses doigts. 50 centimes en tout. Tout juste le prix du billet dans ce cinéma inconnu de Grenelle. Elle avait tout dépensé dans ses bruyantes aventures de l'après-midi. Elle devrait aller à pied. Et c'était loin, si loin. Une mauvaise pensée plissa son front. Si elle demandait la charité, c'est aujourd'hui réjouissance générale. On aurait pitié d'elle à la voir si vieille, si lasse. Mais malgré la fatigue, elle se redressa avec un geste d'orgueil offensé. Elle n'avait jamais mendié, et à 70 ans, c'était bien tard pour commencer. « Je dois le voir, il faut que je le voie. » La fatigue la fit tomber sur un banc, entre deux arbres du boulevard. Dans la pénombre, les portes des cafés et des buvettes brillaient comme des bouches de four. Diverses musiques se confondaient dans une allègre discordance. Des couples amoureux passaient, se perdant dans l'obscurité. Des guerriers de pays lointains enlaçant d'un bras la taille d'une femme. « Si loin, si loin !» continuait à soupirer la bonne vieille. Elle vit tout à coup un soldat qui lui souriait, un soldat tout blanc, depuis le casque de tranchée jusqu'au gros brodequin. Il semblait de cristal, de fumée subtile, d'écume impalpable. Il lui fit signe de le suivre et il se mit à marcher en voyant que la vieille lui obéissait. « Ah, mes jambes, je ne pourrai pas le suivre. Il y a plusieurs kilomètres. Je n'arriverai jamais. » Elle se laissa choir sur un autre banc et le soldat transparent s'arrêta, tournant vers elle un visage sombre, désespérément sombre. « Ne te chagrine pas, si tu savais comme je suis fatiguée. Mais ta grand-mère ne t'abandonnera jamais. Albert, attends-moi, j'y vais. » vais, mon petit !» Et dans un effort suprême, elle se leva et marcha derrière le fantôme par les rues interminables. Noire, glaciale. Comme nous marchons tous à travers les tristesses et les amertumes de la vie, guidés par nos souvenirs à la rencontre de l'illusion. Ainsi prend fin la nouvelle inédite de Vincente Blasco Ibáñez, La vieille du cinéma.